السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل ويسددنا ويسدد أقوالنا ومقاصدنا دائما وأبدا. Donc procédons inshallah à la révision du cours de la semaine dernière inshallah, dont le thème il a traité autour de la huitième naam condition de la prière qui est istiqbal al-Ka'ba. Elle est prendre pour direction dans la salat la Ka'ba. On a pu voir que la Ka'ba, avant de qu'on a fait une intro dans le cours, pour qu'on puisse y aller vénérer cette chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ainsi que Al-Mu'minoun ils ont vénéré. On a pu voir que la Kaaba c'est l'endroit y aller le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal et de son messager, wa kadhalika 'inda al-mu'minin. Wa kadhalika aydan, que cette direction Al-Kaaba, c'est le premier édifice qui a été créé pour l'adoration en commun. Wa kadhalika aydan, on a pu voir que le haut rang et sa haute considération est dû à sa multitude, yani kadhalika, de noms. Car comme l'a dit l'imam Suyuti, rahimahullah wa ta'ala, plus une chose a d'appellation, et plus ça nous montre qu'elle est importante, yani qu'elle est de grande importance. Voilà. Au kadhalika aidan, on a pu voir que, à travers la parole et la notation de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah wa ta'ala, que ces noms, il avait évoqué 18 noms. Al-Ka'ba, Bakka, au kadhalika al-Nassasa, والبيت العتيق والمسجد الحرام والبيت الحرام ويعني غيره والكوثي وإلى آخره يعني لا يفوكي دي جوين نو توس يعني سو دي سينونيم دو لا كعبة اي سولا نو بروف كوم لا دي الامام السيوطي رحمه الله تعالى سولا نو بروف يعني لو اوران اي لا اوت كونسيديراسيون كا سيت ديريكسيون اوبري الله عز وجل. Ensuite on est rentré dans le vif du sujet qui est les ahkam, les jugements qui tourne autour de la huitième condition qui est istiqbal al-Ka'ba. Donc parmi les jugements concernant cette direction, on a pu voir qu'elle était une condition et non un pilier. On a pu voir qu'elle était une condition et non un pilier, et cela pour deux causes. Qui c'est qui peut nous rappeler les causes? Parce que l'imam Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans le matn, il nous dit wa huwa ruknun min arkan as-salah. Quand il parle d'istiqbal al-Ka'ba, on a pu voir que cette parole là il est plus juste de dire que on dit yani wa huwa shartun min shurut as-salah. Qui c'est qui se rappelle des justificatifs qu'on a employés pour montrer qu'il est plus juste de dire shartun min shurut as-salah et non raknun min arkan as-salah? Ahsanta ya Usama. Comme on a pu voir, la salah elle est bien enam et se termine par salam. Donc les choses qui sont entre at-takbir wa salam, ça fait partie intégrante de la salah. Et les choses qui sont en dehors de cela, ils ne font pas partie intégrante de la salat. Donc ça nous montre déjà qu'il y a une condition qui n'est pas respectée pour dire que c'est un rukn, que c'est un pilier qui ne fait pas partie de la prière. Et le deuxième, qui c'est qui se rappelle de cela? Arsantum, barakallahu fikum. On a vu un deuxième point. Yanni, c'est les jumères. Si vous vous rappelez, on avait évoqué que les savants sont tous unanimes, que la istiqbal al-Ka'ba, c'est une condition. Comme l'a évoqué l'imam Ibn Abdelbar, الأندلسي القرطبي رحمه الله تعالى. كذلك parmi les choses qu'on a pu voir, c'est que est-ce que la direction de la Qibla, elle est conditionnée à toutes les prières que les obligatoires? نعم أحسنت هذا هو. On dit استقبال القبلة elle est obligatoire, بارك الله فيكم, elle est obligatoire pour les prières obligatoires, elle est conditionnée pour les prières obligatoires. Et kazalika pour les prières surérogatoires en état de résidence. En état de résidence, c'est obligé que la personne y aller prendre la direction de la Qibla. Même celui qui est voyageur, c'est pas obligé. Arsenton. Kazalika parmi les exceptions dans lesquelles il n'est pas obligé d'observer la direction de la Qibla. On a pu voir deux autres exceptions, si vous vous rappelez. Il y en a autre que la prière surérogatoire en voyage, on a pu voir une autre exception dans laquelle il n'est pas obligatoire de prendre la Qibla comme direction. En cas de guerre, la peur pendant le combat. Amma la personne qui est au combat et qui est à l'abri de son ennemi, qui ne redoute pas son ennemi, même s'il est dans le combat, et il ne rentre pas dedans. Non. Tu te rends d'abord. Et non. On a pu voir ça aussi. Kadalika, ni ceux qui prient, ils se regardent, une prière surrogatoire sur sa monture. Il y en a parfois, avant de commencer, il oriente sa monture vers la Qibla, quand même. Ou bien, il peut faire aussi Kadalika, il peut prier directement sans se préoccuper d'où est orientée yani, sa monture. Donc, il peut faire ça et ça. Notre question donc, à quel moment il est obligé, alaykoum salam wa rahmatullah, à quel moment il était obligé de s'orienter en face de la Qibla et à quel moment yani, le juste fait de s'orienter vers la Qibla yani, est suffisant. La Kaaba, yani, lorsque tu veux dire par là, lorsqu'il voit la Kaaba, celui qui voit la Kaaba et la voix de ses yeux, il ne lui a pas permis qu'il s'oriente vers la Kaaba, mais il s'oriente en face d'elle. Naam, barakallahu fikoum. Est-ce qu'il yani, il est bon, il est préférable yani, pour la personne qui voit la Kaaba qu'il fixe du regard la Kaaba pendant sa prière? Ou bien yani, ceci est une bid'ah? Non, ça c'est une bid'ah. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, il n'y a aucun texte parmi le kitab et la sunna qui prouve ça. Et non, il y a une innovation. C'est une chose, il n'y a aucune preuve qui prouve ça. Barakallahu fikoum, ahsantum. Dans quel cas, le juste fait de s'orienter vers la Qibla est suffisant? Quand on ne la voit pas, naham. Ceux qui ne la voient pas, ils s'orientent vers la Qibla. Même il fait l'effort de recherche et ils s'orientent vers la Qibla. Quel est le jugement de celui qui se détourne volontairement de la Qibla? Volontairement de la Qibla, il se détourne volontairement de la Qibla. Quel est le jugement de sa prière? Il sort de l'islam. Il sort de l'islam si vraiment yani, on a des qara'in. Et voilà. Si jamais vraiment on a des qara'in qui prouvent que cette personne-là, sa prière est invalide. Amma la prière est invalide, ça c'est muttafaqun alayh. Il n'y a aucune divergence. Mais sortir de l'islam, c'est si jamais vraiment on a une qara'in, un indice qui nous prouve que cette personne-là, elle a eu quelque part un acte dérisoire, un acte yani, de moquerie pour l'islam. Parce que franchement, si on lui dit que la Qibla est là, ensuite il se détourne, yani, on lui demande pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Si vraiment on voit qu'il prend la prière comme moquerie, bah. C'est Al-Khuruj min al-Islam, wa nas'alullah lana wa lakum al-'ismah. Quel est le jugement de celui qui se détourne de la Qibla par erreur? Il a fait l'effort de recherche. Et qaddar Allahumma shafa'al, on lui a appris qu'en vérité, c'est trompé de direction. Prière valide. Il y a trois avis. Hakada. Donc, à quel moment la prière elle est valide? Et à quel moment la prière n'est pas valide? Non, c'est ça, il y a trois avis. Hein, Abdurrahman, Tayyib. La question, je la pose à Osama. Il a dit, prière valide. À quel moment la prière est valide? S'il fait l'effort de recherche, naam, il manque une autre condition, à moins que tu aies pris le premier avis. Si l'heure de prière est passée, exactement. Si l'heure de prière est passée, et qu'il a fait l'effort de recherche, comme on a pu le voir, comme c'est le qaul de l'imam Malik ou l'Auza'i, alayhim rahmatullah, et bien la prière elle est valide. Mais si jamais il n'a pas fait l'effort de recherche, s'il n'a pas fait l'effort de recherche, tamam, et que kadalika, la prière elle est toujours en partie, il doit de la recommencer, comme on a pu le voir, et c'est un avis parmi les avis. Et l'autre avis de la majorité des savants, ils disent que à partir du moment qu'il a fait l'effort de recherche, c'est suffisant pour justifier, pour qualifier sa prière comme étant valide. Cela même si jamais l'heure elle est passée ou pas. Le troisième avis, il voit que mutlaqam, que la prière, que l'heure de prière est passée ou pas, la prière elle est annulée. Parce qu'il voit que c'est une condition, wallahu a'lam, le qawl qui est wasat, qui est plus juste, c'est celui de l'imam Malik ou l'Auza'i, rahmatullah alayhim. Donc, inshallah, khalas, barakallahu fikum. Inshallah, on va commencer le dars. Ahsantum, wa zadakum Allah wa iyana, hirsan ala ajibat al-as'ila. Fanabda, inshallah, fi dars al-yom, wa nakhud al-rukna l'awwal. وفيكم بارك الله ونأخذ الرقم الأول يعني من الصلاة وهو القيام donc aujourd'hui le thème du cours ou de ce soir traitera le premier pilier de la prière qui est de se tenir debout au cours de la salah القيام. قال رحمه الله تعالى الثاني يعني الباب الثاني le deuxième chapitre القيام يعني le fait de se tenir debout pendant la prière. قال رحمه الله تعالى وهو ويجب عليه أن يصلي قائما يعني il incombe, il est imposé au muslim, comme on a pu le voir lorsqu'il dit عليه الضمير هنا الها يرجع العش يرجع إلى أول الكتاب lorsqu'il a dit إذا قمت أيها المسلم أي معنى هنا ويجب عليه أي ويجب على المسلم أن يصلي قائمة يعني il nous fait encore une petite aperçu comme quoi que la prière yani elle est c'est une condition ou yani l'islam est une condition qui doit être observée pour celui qui doit prier. قال ويجب عليه أن يصلي قائمة donc il incombe à celui au musulman lorsqu'il prie de se tenir debout et la preuve en est par la parole d'Allah Azza wa Jal dans lequel il dit وقوموا لله قانتين et tenez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. وفي الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائمة الحديث le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à عمران ابن حسين on lui a ordonné de se tenir debout pendant la salah il lui a dit tiens-toi debout dans la salah صل قائمة الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى nous dit que les savants sont tous unanimes qu'il incombe à toute personne ayant la capacité de se tenir debout d'observer cette obligation qui invalide la prière de celui qui l'aura délaissé sans excuse après avoir eu la capacité de pouvoir yani, se tenir debout. Yani, cet ordre concerne aussi bien ceux qui président la prière ou ceux qui se font présider. Yani, al-imam ou al-mu'min. Yani, à tous il incombe alors, si jamais ils ont la capacité de se tenir debout, de se tenir debout dans la salle, au cas contraire, leur prière sera annulée. Donc, ces preuves, il y en a parmi le kitab et la sunnah, dans lequel il a été employé la forme verbale impérative, salli qa'ima. Ça, c'est un verbe à l'impératif, il y en a un ordre. Wa kazalika, qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillah. Kazalika, ça, c'est un ordre. C'est une forme, il y en a impératif. Ceci indique yani, que l'ordre il est imposé, yani, l'ordre de se tenir debout, il est imposé dans l'islam. Et ajoute à cela yani, l'unanimité des savants qui vient bien confirmer la parole de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit yani, que la prière ou yani, le fait de se tenir debout est obligatoire à tout musulman, qu'il soit imam ou qu'il soit président, de se tenir debout dans la prière. Et au cas contraire, comme on a pu le dire, celui qui le délaisse, il aura... En plus, le fait que sa prière sera annulée, yani se sera exposé au châtiment avilissant yawm al-qiyamah, s'il ne se repent pas, comme on a pu le voir, car le fait que tu te laisses une obligation, ça t'expose au châtiment d'Allah Azza wa Jal. On a Allah al-afiya. Qala rahimahullah ta'ala wa huwa ruknun, le fait de se tenir debout, al-qiyam, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Wa huwa ruknun, un pilier parmi les piliers de la prière. Car le qiyam, yani le fait de se tenir debout dans la prière, est une partie de la salah, juz'un min ajza'i, car la personne lorsqu'il revient du ruku', il se remet debout. Ou la personne lorsqu'il revient du sujoud, yani après du tashahhud, il se tient debout. Donc comme on a pu le voir, as-salah, yani c'est yani majmou'atun min af'alin wa aqwalin, muftatihatun bi at-takbir wa mukhtatimatun bi at-taslim. La prière c'est un ensemble d'actes et de paroles qui débute par le takbir et qui se termine par taslim. Et le qiyam il fait partie intégrante de la prière, ce qu'il est entre eux, at-takbir ou at-taslim. Et le fait de délaisser cet acte, que la personne yani, elle a la capacité de pouvoir se tenir debout, et bien il verra sa prière annulée, car tel est le jugement dans la jurisprudence yani, d'un élément faisant partie intégrante de la prière, dont son délaissement implique l'annulation de la prière. Et comme on a pu le voir, comme l'a dit l'imam Ibn Abd al-Barr, celui qui délaisse yani, le fait de se tenir debout, al-qiyam, بإجماع العلماء صلاة الباطلة قال رحمه الله تعالى ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا donc là Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى il nous fait part d'une exception il nous dit yani, il incombe aux musulmans lorsqu'ils veulent prier de se tenir debout c'est un pilier à l'exception de celui qui prie صلاة الخوف celui qui prie صلاة الخوف Il nous dit lorsque le combat il est shadid, c'est-à-dire qu'il redoute le fait qu'il se fasse tuer et il n'a aucun échappatoire de pouvoir aller prier debout correctement car son ennemi est en face de lui et l'empêche de pouvoir prier. Il nous dit فَيَجُزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِبًا Donc il y en a dans ce cas-là, il est possible à cette personne-là qu'il prie dans, il y en a, sur sa monture et même dans l'état qui se trouve. Dans l'état qui se trouve, car comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ Ça c'est une preuve générale. Et la preuve, il y en a qui nous prouve, il y en a vraiment cette exception, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans laquelle il est dit, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا Et si vous craignez ou si vous redoutez, alors priez à pied ou sur vos montures. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit priez sur vos montures, ça nous montre bien que le qiyam, le fait de se tenir debout dans la salah, dans le cas de peur, lorsque le redout, le fait, la peur elle est présente, le qiyam il est plus conditionné. Car s'il aurait été conditionné, il n'aurait pas été possible que le combattant, al-mujahid, il prie sur sa monture. Donc ce cas est une exception aux preuves ordonnant de se tenir debout qu'ils ont été précédemment cités. Yani qumu lillahi qanitin wa qawlu subhanahu wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa salli qa'ima. Qala rahimahullahu ta'ala wal marid al-ajiz 'an al-qiyam. Il nous dit un deuxième cas de figure dans lequel la personne elle est exempte de se tenir debout, qui est le malade qui est incapable de se tenir debout. Le malade qui est incapable de se tenir debout. Notez bien ou remarquez bien comme elle a été spécifiée dans ce cas d'exception par l'incapacité, al-ajiz, yani ce qui n'est pas apte. Car ce n'est pas tout malade, toute personne qui est malade, yani qui est excusée de ne pas se tenir debout dans la prière. Mais c'est celui qui est incapable, malade et incapable de se tenir debout. C'est pour ça qu'il a bien dit, wal-marid al-ajiz, yani celui qui est malade et incapable de se tenir debout. La preuve en est par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, salli qa'iman. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبْ رواه البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, lorsqu'il a ordonné à Imran ibn Hussein, qui avait du mal à se tenir debout, il lui a dit, prie debout si tu es incapable, alors prie assis, et si tu es incapable, alors prie sur les côtés allongés, yani prie allongé en te mettant sur le côté. Ce hadith, c'est un exemple. Toute personne n'ayant la capacité de se tenir debout, de prier comme il peut. Yani, il prie comme il peut, selon les étapes que le prophète sallam a évoquées dans ce hadith. C'est-à-dire, assis, s'il ne peut pas, il se met allongé sur le côté. Donc cette obligation, le fait de se tenir debout, ne peut pas être avisé aux personnes qui n'ont pas la capacité de se tenir debout, et parmi eux, le malade, comme l'a évoqué, l'imam al-Albani, yani le malade qui est incapable de pouvoir se tenir debout. Et parmi yani les règles du din, qui c'est une règle qui est unanime auprès des savants de l'islam, rahmatullahi alayhim, c'est annahum yaqulun al-wujub yata'allaqu bil-istita'ah. La condition ou l'obligation n'est imposée qu'avec la capacité. Ça, c'est une règle qui est ma'ruf, yani inda ahl al-usul. وقال لبروف كي ابوي سيت ريغ قوله النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم يعني lorsque je vous impose une chose accomplissez-la selon vos capacités. ويقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge une âme que de ce qu'elle peut supporter. Donc toute chose qui peut pas supporter le pousse à être incapable, ça fait de l'obligation qu'elle n'est plus imposée pour ces personnes-là. وقال فيصلي يعني المريض العاجز فيصلي جالسا ان استطاع والا فعلى جنب. Donc là dans ce paragraphe, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il nous évoque la description de la prière de la personne étant incapable de se tenir debout. Et cela, ce paragraphe est en conformité avec le hadith de Imran ibn Hussein, celui qu'on a précédemment cité, dans lequel An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ajam. Dans ce paragraphe, Cheikh Al-Albani nous dit si le malade qui est incapable de se tenir debout n'a pas la capacité pour cela, alors il prie assis, s'il peut ou s'il ne peut pas, il prie yani sur les côtés, comme ça a été évoqué dans le hadith Barakallahu fikum. Donc ce hadith, صلي قاعدا حديث عمران بن حسين, il nous indique yani les étapes à suivre concernant la prière de la personne étant incapable de se tenir debout. En premier lieu, si jamais elle n'a pas la capacité de se tenir debout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'asseoir. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا فإن لم تستطع أن قائما فصلي قاعدا. Si tu ne peux pas te tenir debout, assieds-toi. C'est-à-dire qu'il est détestable à la personne qui n'a pas la capacité de se tenir debout, il en est tout seul, qu'il emprunte un autre choix que de s'asseoir. Car le prophète sallam a dit directement après l'incapacité de pouvoir se tenir debout, yani assieds-toi. Donc, il n'y a pas une autre étape après l'incapacité de se tenir debout que de s'asseoir. Donc, par ce paragraphe-là, on peut déduire, na'am barakallahu fikum, qu'il est interdit, ou yani qu'il est détestable, yani d'emprunter un autre choix que de s'asseoir si la personne n'a pas la capacité de se tenir debout. Donc ça rentre dedans, celui qui prie debout en s'appuyant pour cela d'un mur, ou bien d'une canne, ou bien d'un bâton ou autre chose. S'il n'a pas la capacité de se tenir debout, on lui dit « assieds-toi ». Amma la canne et le mur, si jamais tu t'appuies au mur, ça, yani c'est pas venu dans le hadith. Toi, tu dois suivre, yani, comme est venu le hadith, et c'est mieux pour toi, c'est « arrière ». Yani, c'est plus tranquille pour toi et c'est plus apaisant. Et surtout, yani, ça fait de toi quelqu'un de soumis. Car le prophète sallam a ordonné à Imran ibn Hussein et à sa communauté, de manière générale, de suivre cette étape. Celui qui n'a pas la capacité de se tenir debout, il s'assoit. Il n'a pas dit, il prend une canne ou un bâton, ou bien il s'appuie sur un mur. Quant au jugement, yani, de la prière de celui qui se tient debout par une canne ou autre, un mur, comme on a pu voir, par incapacité de se tenir debout, et yani, tout seul, et qui délaisse le fait de s'asseoir qui est recommandé pour lui, quel est le jugement de sa prière? Awalan, il a certes commis un acte, yani, une œuvre qui est jugée comme détestable, car il a délaissé la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit de s'asseoir. Cette personne-là a pris une canne et un bâton, un mur pour s'appuyer, car il n'a pas la capacité de se tenir debout. On lui dit, là, tu as délaissé la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as certes fait par là un acte qui est détestable. Certains des savants, ils voient que la prière de celui qui prie avec une canne ou s'appuie sur un mur, il n'a pas la capacité de se tenir tout seul debout. Celui qui délaisse le fait de s'asseoir et prend un autre choix autre que cela, il voit que sa prière elle est annulée, comme c'est le cas d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Lakin, c'est une parole qui est un peu démesurée, parce qu'on n'a aucune preuve qui nous prouve que la personne qui n'a pas délaissé le fait de se tenir debout involontairement, il l'a délaissé par une excuse. On ne peut pas juger de cette prière-là qu'elle est annulée, parce qu'on n'a rien qui nous prouve cela. Mais on lui dit que cette prière-là, ou sa prière, elle est valable, mais il a certes délaissé une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait, et par ce cas-là, il voit sa conduite yani, être détestable. Donc sa prière est valable, celui qui s'appuie sur un mur, ou bien qui prend une canne ou autre, lorsqu'il n'a pas la capacité de se tenir debout, et qui délaisse le fait de s'asseoir, on dit sa prière est valide, mais il a eu certes une conduite yani, détestable, et un manque de respect avec le texte prophétique qui lui dit de s'asseoir. Certains savants voient que celui qui se tient comme debout avec une canne et autres, tout en étant capable de pouvoir s'asseoir, il voit que sa prière elle est valide dans tous les cas. Sa prière elle est valide. Yani, il voit que le fait de s'asseoir pour la personne qui n'est pas capable de se tenir debout, c'est pas une chose qui est obligatoire directement après. Yani, si jamais il trouve un autre biais pour prier autre que le fait de s'asseoir, il voit que sa prière il voit que c'est une chose yani, qui est déjà est-ce qui est possible. Bon, on leur dit non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes dit « fa'illam tastatir fa'qa'idan ». Donc pourquoi délaisser une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est un manque yani, de respect face au texte yani, prophétique. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya'yuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wa attaqullah » Oh, vous qui croyez, ne faites pas précéder, yani, que ce soit vos paroles, ou que ce soit vos points de vue, que ce soit vos idéologies, à celle de, ou yani, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à celle du messager. Donc, yani, il incombe à tout musulman qui se tienne et qu'il ait une bonne conduite avec les textes prophétiques et suivre yani, ce qui est mentionné dans ces textes. Quant à celui qui prie sur une canne ou autre, qui s'appuie yani, sur une canne et autre, un mur ou un bâton, tout en étant dans la suffisance de se tenir tout seul debout, en gros, il n'a pas besoin de ce bâton et sa canne, verra sa prière annulée. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu voir, c'est un rukn min arkan al-salah. Le fait de se tenir debout, c'est un pilier parmi les piliers de la salah. S'il n'est pas respecté, comme l'a dit l'imam Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, sa prière elle est annulée. Car sa prière ne peut être valide que par ce biais-là. Donc le fait de s'appuyer de manière que si jamais tu enlèves le bâton, il serait tombé, et en vérité, cette personne-là, elle est dans la suffisance et elle peut se tenir debout tout seul, sa prière elle est annulée. Car il a délaissé un pilier parmi les piliers de la prière. Quant au fait de prier ou de se tenir debout dans les prières surérogatoires à l'aide des cannes ou autres, ça n'invalide pas la prière. Donc yani, on restreint notre parole à le fait yani, aux personnes qui s'appuient volontairement sur des cannes et autres, tamam, et il est dans la suffisance il peut se tenir debout tout seul, il utilise ces choses-là. Ça, c'est pour les prières obligatoires. Les prières obligatoires, s'il fait ça dans les prières obligatoires, volontairement et qu'il est dans la suffisance, sa prière est annulée. Amma dans les prières surrogatoires, c'est un cas différent. Cela, il n'annule pas la prière. Car cela est fait par... Le professeur Salam a déjà fait cet acte-là, de prier, c'est-à-dire en s'appuyant dans les prières surrogatoires avec une canne ou un bâton. Et c'est le cas qu'Azal et Kadesh Sahaba dans l'air, fi khilafati Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a ordonné à Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, de prier 21 raka'a dans At-Tarawih. Certains des compagnons dirent, la prière était tellement longue qu'on avait besoin de s'appuyer sur des bâtons et des cannes dans la prière, parce que dans chaque raka'a, je crois, il disait un nombre comme 200 versets. Donc cela nous prouve que se prier dans les prières surrogatoires en s'appuyant sur des cannes ou autres, tout en étant dans la suffisance, annule pas la prière, au contraire de la prière obligatoire. Et on reste à savoir que cet acte-là, le fait de prier dans les prières surrogatoires avec des bâtons, on s'appuie sur des bâtons, tout en étant dans la suffisance, même si ça n'annule pas la prière, la kin, ça diminue son ajr, ça diminue le ajr. Car An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Imran ibn Hussein, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, من صلى قائما أي في النوافل, dans les prières surrogatoires, فهو أفضل. من صلى قائما أي في النوافل فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد. رواه البخاري. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari selon Imran ibn Hussein, رضي الله عنه, le professeur Zam dit, celui qui prie les surrogatoires debout est mieux pour lui. C'est أفضل له. Celui qui prie assis tout en étant apte à se tenir debout aura la moitié de la récompense de celui qui se sera tenu debout. Et il nous dit, et celui qui prie allongé, en ayant la capacité de se tenir debout, dans les prières surrogatoires, tout ça c'est dans les prières surrogatoires quand même, aura la moitié de la récompense de celui qui se sera assis, c'est-à-dire un quart de la récompense de celui qui se sera tenu debout. Donc ça nous montre que même si la prière est valide, mais ça fait de son œuvre, qu'elle est manqous al-ajr, elle a moins de récompense, comme le hadith nous le prouve. Quant à celui qui se sera assis ou allongé dans la prière surrogatoire par incapacité de pouvoir se tenir debout, sa récompense ne sera pas diminuée. La récompense est diminuée dans la prière surrogatoire pour celui qui a la capacité de se tenir debout. Celui qui prie assis ou allongé et qui a la capacité de se tenir debout, il verra sa prière diminuer. Il y en a la récompense. Mais celui qui prie allongé ou assis et qui est incapable de pouvoir se tenir debout, sa prière elle ne sera pas diminuée. Ou je veux dire, la récompense ne sera pas diminuée. Il aura la même récompense que celui qui se sera tenu debout. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلي العبد المسلم في جسده قال الله عز وجل للملائكة اكتب لعبد ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه أحمد وصححه الشيخ المقبل رحمه الله تعالى. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed selon Imran ibn Hussein رضي الله عنه et authentifié par l'imam الشيخ مقبل رحمة الله عليه, il nous dit, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur muslim est éprouvé dans son corps, par une maladie ou autre, le rendant incapable de se tenir debout, Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges, inscrivez à mon serviteur la récompense telle qu'il en est lorsqu'il est en pleine santé, sain et résident. Donc ça, ceci nous prouve que la personne qui est incapable de pouvoir se tenir debout, qui prie assis ou allongé, ne verra pas sa récompense diminuer, au contraire de celui qui se sera allongé ou bien assis, et qui est, tout en étant incapable de pouvoir se tenir debout. Lui verra sa récompense diminuer. Donc pas d'amalgame, Inch'Allah. Donc ce hadith et celui qui l'a précédé sont une réfutation à l'avis de certains savants, certains ulama, rahmatullah alayhim, qui prétendent qu'il n'est pas permis de prier allongé, tout en étant apte à se tenir debout dans les prières surrogatoires. Certains des savants, ils voient que ça c'est une bid'a. Ils disent, mais celui qui prie allongé, alors qu'il a la capacité de se tenir debout, ils disent, cet acte-là c'est une bid'a fil islam. Bid'atun muhdatha. Certains d'entre eux, comme c'est le cas de l'imam Sindi dans sa hashiya, c'est-à-dire dans son charh, qu'il a fait dans ses annotations de Sunnah Nasa'i, il nous dit que le fait de s'allonger, alors que tu as la capacité de te tenir debout dans le surrogatoire, c'est un acte, c'est une bid'a. comme on peut le voir, son, sa parole-là, yani, elle est contraire au hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, yani, min asah al-kitab, ou asah al-kitab barda kitab illa azawajal, dans lequel yani, le hadith il est clair, il est sahih, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prie allongé en étant capable de se tenir debout, il aura le quart de la récompense de celui qui se sera tenu debout. Donc comment juger de cette œuvre que c'est une bid'a, alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a certes dit qu'il a la récompense, il aura un quart de récompense. Donc comment il peut avoir un quart de récompense si jamais cet acte-là est une bid'a? C'est pas possible. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Celui qui œuvre d'une manière qui n'a pas été légiférée, son œuvre sera rejetée. Il n'aura pas de récompense. Donc comment peut-on juger d'une bid'a ou dire cette chose-là que c'est une bid'a alors qu'il y a une récompense? Alors que la bid'a, comme le hadith il est clair, c'est un acte qui invalide la récompense. Qui invalide la récompense. Donc cet avis-là, il n'est pas correct. Et ils ont rajouté à cela, ils disent, qu'est-ce qui appuie notre position à dire que le prix allongé tout en étant capable de se tenir debout dans les prières surrogatoires, c'est pas possible? Il me dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a jamais fait. Kadhalika as-sahaba. Si jamais cela aurait été légiféré, il aurait fait au moins une fois dans sa vie. On dit, ça, c'est pas assez suffisant pour nous dire que cette manière de vrai, elle n'est pas légiférée. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne l'a pas fait, il a certes montré à travers sa parole que cela est possible. Car il a dit, celui qui le fait de cette manière-là, qui est prêt à manger tout en étant capable de se tenir debout dans la prière surrogatoire, il aura un quart de la récompense de celui qui se sera tenu debout. Donc, même s'il ne l'a pas fait, il nous a certes informé qu'il y a une récompense qui sera rétribuée à cette personne-là qui est moindre que celui qui sera tenu debout, mais il aura une récompense. Et le simple fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fasse pas une chose, ça ne fait pas de cet acte-là, il y en a qui n'est pas permis ou qui n'est pas légiféré. Car certains actes, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut les approuver, il ne les fait pas, mais ça fait cet acte-là, il y en a qui l'a légiféré, comme c'est le cas de celui qui avait l'habitude de lire « Qulhu Allahu Ahad » dans toute la raka'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question, il a dit pourquoi, ou il a demandé à ce que la question lui soit posée, pourquoi cette personne-là fait cela, il a dit, il y en a... Le fait que tu aimes cette surah, c'est une cause qui te fera rentrer au paradis. Les ulama disent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais lu dans deux rak'ah, qu'il y a Allah ahad. Donc est-ce qu'on peut dire maintenant, si on prend leur point ou la manière qu'ils ont déduit, qu'il est interdit de lire deux fois de suite qu'il y a Allah ahad? Non. Donc sur cet avis-là, on peut dire la même chose. En gros, que c'est impossible, c'est interdit de relire deux fois de suite, qul wallahu ahad. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Donc, cela nous prouve que cet avis-là, il n'est pas juste. Car une chose que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam indique que la récompense de cet acte-là sera rétribuée ou rémunérée, ça nous prouve que cet acte-là est légiféré. Car si jamais il n'aurait pas été légiféré, comment la récompense peut être rémunérée? Donc, on revient au livre. قال رحمه الله تعالى ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب والمتنفل أي على exception une sortie encore une autre exception c'est celui نعم qui prie les prières surrogatoires. Dans tous les cas, il lui est possible de ne pas se tenir debout. Cette condition là n'est plus observée pour celui qui prie la prière surrogatoire. La preuve en est par l'unanimité des savants, comme l'a évoqué l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Il dit que ceci, c'est possible, que la personne de la prière surérogatoire n'observe pas cette condition-là, c'est-à-dire de se tenir debout. La preuve en est par hadith Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qalat kana nabi sallam yusalli laylan tawilan qa'iman wa ukhra qa'idan, rawahu muslim. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, nous dit dans ce hadith authentique rapporté par muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines nuits, il priait des nuits longues, tout en étant debout, et dans certaines, il priait des prières longues, en étant assis. Donc cela nous prouve que celui qui prie une prière surrogatoire, il a le choix de prier debout ou prier assis. De prier debout ou prier assis, tout en sachant que s'il a la capacité de se tenir debout, il verra sa récompense diminuer, comme on a pu le voir dans le hadith précédent. Wa kadhalika hadith, ce qui nous prouve cela, que al-mutanaffil, il peut prier debout ou bien il peut prier en étant sur une monture ou autre. Il y a un hadith Amr ibn Rabi'a قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. يعني رواه البخاري. دوس حديث عامر بن عربيعة رضي الله عنه nous dit j'ai certes vu le prophète sallam prier sur sa monture où qu'elle se dirige en bougeant pour cela sa tête. قال والمتنفل فله أن يصلي راكبا. يعني celui qui prie une prière sur le gâteau, il peut prier sur une monture comme on a pu le voir dans le hadith. أو قاعدا إن شاء comme on a pu le voir dans le hadith عائشة. قال ويركع ويسجد إماء برأسه comme on a pu le voir dans le hadith عامر بن ربيعة dans lequel il dit le prophète sallam يعني كان يومئ برأسه. يعني en gros il bougeait sa tête pour le recours au sujoud, pour le recours au sujoud quand il était sur sa monture. قال وكذلك المريض يجعل سجوده أخفض من ركوعه. يعني il en est, c'est le même cas pour celui qui est malade, qui n'a pas la capacité de se tenir debout. يعني il veut nous dire يعني quelle est la manière par laquelle s'accomplit sa salat, quelle est la description de la salat du mariyat, celui qui ne peut pas se tenir debout. Il nous dit que c'est le même cas que celui qui prie une prière surrogatoire sur sa monture, c'est-à-dire en bougeant la tête, c'est-à-dire en bougeant la tête pour al-rukou' wa sujoud. C'est-à-dire celui qui est assis, il est malade, il ne peut pas prier, il prend la direction de la qibla, et lorsqu'il se rukou', il s'incline un peu, il s'incline, et lorsque c'est sujoud, il s'incline et est d'une manière plus que al-rukou'. S'il a la capacité de poser sa tête sur son lit ou bien sur l'endroit où il est, il le fait. S'il n'a pas la capacité, il fait de son sujoud une inclinaison plus basse que al-rukou'. Plus basse que al-rukou'. Et ça, par l'unanimité des ulama, comme l'a évoqué l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala. S'il n'a pas la capacité de s'asseoir, al-marid, il prie allongé, comme on a pu le voir dans le hadith, صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. فعلى جنب. يعني pour celui qui n'a pas la capacité de s'asseoir, il prie allongé sur le côté, en orientant son visage vers la qibla. Et il est préférable pour cette personne-là qui se met sur le côté droit. Même si jamais il n'y a pas de hadith qui est venu, parce que le prophète me dit à la jambe, yani sur le côté. Il n'a pas dit à la jambe al-yamin, à la jambe, yani mutlaqan, d'une manière absolue générale. Mais d'autres hadiths nous prouvent qu'il est préférable de faire ça, comme c'est le cas, كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجبه التيمم في أموره كله. Le prophète صلى الله عليه وسلم, yani il aimait bien prendre yani le côté droit dans tout, dans toutes les choses. Donc là aussi, le fait de s'allonger sur le côté, c'est une chose, ça rentre parmi les choses. Donc yani c'est préférable à la personne qui, lorsqu'il n'a pas la capacité de se tenir debout, qui est malade, qui se met sur son côté droit, s'il n'a pas la capacité de s'asseoir, quand même, qui se met sur son côté droit et s'allonge sur le côté droit et il prie en mettant son visage vers la qibla. Mais s'il fait ça du côté gauche, yani sa prière, on ne peut pas juger qu'elle est invalide ou pas, mais on dit c'est mieux pour toi car le Nabi Sallam il aimait bien faire les choses du côté droit. Et na'am, le fait de se mettre sur le côté droit, ça nous montre yani ala jamb, ce hadith là yani salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jamb, ça nous montre que celui qui n'a pas la capacité tamam de pouvoir prier assis, on lui demande awwalan qu'il se mette sur le côté. Donc il se met pas sur le dos. S'il a la capacité de se mettre sur le côté, il a pas à se mettre sur le dos awwalan. À la personne qui est malade, qui n'a pas la capacité ni de se tenir debout, ni de s'asseoir, on lui dit, yani, tu dois te mettre sur le côté droit avant toute chose. Et non pas t'allonger sur le dos. Que certaines personnes, yani, ils peuvent comprendre que s'il ne peut pas s'asseoir, il s'allonge directement sur le dos. Non. Il doit faire précéder le fait de s'allonger sur le côté droit, comme c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est le même hukm. Si jamais il s'assoit ou il s'allonge, au lieu de se mettre sur le côté droit, on ne juge pas de sa prière qu'elle est invalide, mais on dit, yani, tu as délaissé une recommandation et ta conduite est détestable. Donc, il se met sur le côté droit. S'il n'a pas la capacité de se mettre sur le côté droit, dans ce cas-là, il se met allongé, il prie allongé, en essayant, s'il peut, de lever un peu sa tête pour que son visage soit en direction de la qibla, et il fait la même chose. Il fait al-rukou' avec en bougeant sa tête, il essaie de faire pour le sujoud, il y a une inclinaison qui est plus basse qu'au rukou'. Quant à celui qui est paralysé ou celui qui n'a pas la capacité de bouger de sa tête, la prière de ces personnes-là, elle n'est plus obligatoire, elle n'est plus imposée. Elle n'est plus imposée, au contraire d'avis de certains ulama qui disent que s'il n'a pas la capacité, il intentionne la prière, il intentionne avec ses intentions les mouvements de la prière. D'autres disent, yani, il bouge les yeux, il ouvre les yeux, il bouge les yeux. Toutes ces choses-là, ils n'ont aucun dalil. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, yani, si jamais tu n'as pas la capacité après d'être allongé sur le côté ou bien sur le dos, si jamais tu n'as pas la capacité, après cela, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas une âme de plus que qui lui a ordonné, ou qui peut. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: ma amartukum bihi an ifatu minhu ma istata'tum. Une chose lorsque elle vous est imposée, faites-la selon vos capacités. Donc là, cette personne-là, après cela, elle n'a plus la capacité. Après cela, elle n'a plus la capacité, et ça, c'est la vie de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa kadhalika li Cheikh al-Fadil Abiyad al-Rahman al-Mujahid الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وسدده على الحق خطاه. تمام؟ C'est son avis. Et qu'est-ce qui a pu leur position? C'est que la définition de la prière. Qu'est-ce que la définition de la prière? Ils nous disent, yani, c'est un ensemble de mouvements, ou c'est un ensemble d'actes et de paroles qui commencent par takbir et qui se finit par taslim. Tamam? Donc ce mouvement d'actes et de paroles, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent. C'est-à-dire que si jamais il ne peut pas faire des actes et faire des mouvements, on peut pas juger ou qualifier de l'acte qu'il est en train de faire que c'est une prière. Et la chose, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit conforme à sa définition. Donc la personne qui est paralysée, qui peut pas bouger, on dit là, tu es en train de prier avec tes yeux, cet acte-là, c'est pas une prière. Donc comment tu veux qu'il soit considéré auprès d'Allah Azzawajal, alors qu'il n'est même pas qualifié comme une prière? Dans ce cas-là, on lui dit, toi, comme on a pu le voir, al-wujub yata'allaq bil istita'a. Toi, tu n'as pas la capacité, ta prière n'est pas imposée. Tu as même fait beaucoup de dua, fait beaucoup de choses. Et Inch'Allah, tu es excusé auprès d'Allah Azzawajal, car celui qui t'a imposé la prière, c'est celui qui a décrété que tu sois dans cet état-là et qui sait mieux que autre, que tu n'as pas la capacité de pouvoir prier. Donc, dans ton cas, la prière n'est pas obligatoire. Allah, c'est l'avis qui est le plus prépondérant, Inch'Allah. قال ولا يجوز للمصلي جالسا ان يضع شيئا على الارض مرفوعا يسجد عليه. Il dit, il n'est pas possible à la personne qui prie assis de poser une chose sur la terre qui est élevée à la surface de la terre pour qu'il puisse avoir la capacité de poser son front par terre. Certains, ils voient que même si jamais tu es assis, il faut que tu poses ta tête par terre. Il faut que tu poses ta tête par terre. Si tu n'as pas la capacité, il y a une chose entre toi et la terre pour que tu l'élèves, pour que tu puisses prier. قَالَ وَإِنَّمَا يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِهِ. La seule chose qui lui est recommandée à la personne qui n'a pas la capacité de se tenir debout et de pouvoir atteindre le sol, il lui a demandé que son rukou' ou que son sujoud, il soit plus incliné que son rukou'. C'est ça la seule chose qui lui est demandée, et non pas se charger des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas légiféré. قال اذا كان لا يستطيع ان يباشر الارض بجبهته. S'il n'a pas la capacité avec son front de toucher le sol, c'est ça qu'il doit faire. C'est-à-dire bouger sa tête, faire de son sujoud une inclinaison qui est plus basse que son rukou'. Donc ça, c'est une bid'a, le fait d'élever une chose alors que tu n'as pas la capacité d'atteindre le sol. Tu mets une chose entre toi, entre le sol et ton front, pour que tu puisses te prosterner sur quelque chose, ça c'est une bid'a. Ça c'est une bid'a, car min muqtada al-shahada anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulan. Parmi les droits de la shahada, de la prophétie, c'est que tu n'œuvres pas d'une chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète l'ont légiféré. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna. Celui qui œuvre d'une manière qui n'a pas été légiférée, son œuvre est rejetée, comme c'est le cas là de celui qui met entre eux son front et le sol une chose pour pouvoir se prosterner. Tamam. Inch'Allah, c'est nukhtim bi hadhihi al-mas'ala. Allah yibarak fikum. Qui est, quel est le jugement de la salat de celui qui est présidé par un imam qui prie assis par incapacité de pouvoir prier debout? Ceux qui sont derrière, ils sont tous en forme, Allahumma barak. Est-ce qu'ils doivent s'asseoir comme l'imam, ou bien est-ce qu'ils doivent se tenir debout? Ala kulli hal, ikhtalafu fihi al-ulama. Les ulama, ils ont divergé face dans cette mas'ala, dans ce sujet-là. Certains d'entre eux, ils voient que c'est, t'as pas le droit de te voir présidé par un imam qui est assis. Ils prennent pour cela un hadith qui est da'if. La ya'umman ahadun ba'di jalisan, que personne d'entre vous ne préside la prière tout en étant assis. Ils prennent ce hadith-là, mais ce hadith-là est da'if. Fihi jasmu Jabir al-Ju'fi, et c'est un kadhab. C'est quelqu'un qui force de mensonge sur le prophète sallam, alayhi min Allahi ma yastahiq. بينما ذهب عامة أهل العلم, يعني la plupart des gens de science, ils voient que c'est légiféré de faire ça. C'est légiféré de pouvoir prier derrière une personne, un imam, qui n'a pas la capacité de se tenir debout. Ils disent que c'est légiféré. Mais ils ont divergé sur le fait que est-ce que celui qui est présidé, il doit faire comme l'imam, c'est-à-dire s'asseoir, ou bien il se contente de rester debout. اختلفوا في هذه المسألة بعد أن اتفقوا على مشروعية الصلاة خلف الإمام الجالس. يعني ils ont divergé après avoir été unanimes que tu as droit ou que c'est légiféré de prier derrière une personne qui n'a pas la capacité de se tenir debout. فقال طائفة منهم, une partie d'entre eux ont dit أنه ينيش يأتم به قائما. Il doit prier derrière lui en restant debout, il ne s'assoit pas. فاستدلوا بذلك بحديث عمران بن حسين الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم استطع فقاعدا. En gros là, ils ont compris par rapport à ce hadith là que le prophète il a ordonné à la personne qui est capable de se tenir debout qu'il se tienne debout. Ils disent, yani pourquoi cette personne là, yani qui est présidé, va s'asseoir alors que le prophète yani il lui a ordonné de se tenir debout s'il a la capacité de se tenir debout. La preuve en est par la parole. Salliqa iman, yani pris debout, yani si tu as la capacité. Donc ils ont dit, ça nous montre qu'il n'a pas le droit de s'asseoir, même si jamais son imam, il est assis. On va voir comme c'est le cas, yani ce qu'on là, il est marjour. Ce qu'on là, il n'a pas de considération. Car il y a d'autres hadiths qui nous prouvent que tu as le droit de pouvoir prier comme ton imam, assis. Le premier, c'est hadith Abi Huraira wa ghayruhu, fi sahihain, yani muttafaqun alayhi. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتم بي. L'imam, il a été placé pour qu'on le suive. Il préside la prière, c'est lui qui préside la prière, on doit le suivre. إنما جعل الإمام يتم بي. فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. S'il prie assis, priez tous assis. Ce hadith-là, il est authentique, il est clair que la personne qui prie derrière un imam qui est assis, il doit faire comme lui s'asseoir. Yani, c'est-à-dire suivre son imam. Ceux qui voient que tu dois prier debout, ils ont répondu à ce hadith en disant que ce hadith-là, yani, l'imam a été placé pour être suivi. Ils disent que c'est un hadith qui est mansour. C'est un hadith qui est aboli. Qu'est-ce qu'il abolit? Ils disent le hadith, yani, Ibrahim bin Hussein, salliqa ima, prie debout. Ceux qui voient que tu as la capacité de pouvoir prier assis, ils disent non, ce hadith-là, il n'est pas mansour, il n'est pas aboli. Car quelle est la preuve qui nous prouve que Hadith ibn Hussein ou Imran ibn Hussein salliqa ima, il est venu avant Hadith innama ju'ala al-imam liyatammabi, ou l'inverse. Il n'y a aucune preuve qui peut nous prouver cela. Donc comment tu peux faire ou juger d'une chose qu'elle est abolie alors que tu ne peux pas savoir lequel des deux est venu avant. En plus, ajouter à cela qui est ma'ruf dans les textes yani de Usul, lorsque tu vois deux textes qui d'apparence se contredisent, si jamais tu as la capacité de faire une cohérence entre les deux, tu dois faire précéder la cohérence à l'abolition. Yani tu ne juges pas de ce texte-là qui est, ou d'un des textes qui l'a aboli, alors que tu as la capacité de pouvoir joindre les deux textes. Tamam? Parce que lorsque tu joins les deux textes, yani tu prends les deux avis. Mais lorsque tu juges d'un qui est aboli, ça veut dire que tu rejettes l'autre. Tamam? Donc le fait de préserver les deux textes, c'est mon qaddam. Il doit être précédé au fait de prendre ou de préserver un texte et d'en jeter un autre. Et comment on peut joindre ou trouver cette cohérence, et nous on dit le hadith Ibn Imran ibn Hussein salliqa ima, ça c'est pour la personne qui prie tout seul, al munfarid, celui qui a la capacité, celui qui dirige lui-même sa prière et qui est capable, ou bien l'imam qui est capable de prier debout, on le dit prie debout, ou celui qui prie tout seul qui a la capacité de prier, de prier debout, on le dit prie debout. Amma celui qui est imam et qui prie assis par une, il est excusé de, par cela parce qu'il est incapable. Et toi, tu es derrière lui, tu es présidé par cette personne-là, tu dois t'asseoir. Parce que le prophète l'a dit, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ يُتَمَّ بِهِ. Ça veut dire, pour ceux qui sont présidés. Ceux qui sont présidés, ils doivent suivre l'imam et s'asseoir comme lui dans la prière. Et l'imam Ibn Rajab, qui voit que cet avis-là est prépondérant, et comme c'est l'avis de la plupart des ulama, il nous dit, cet avis-là, il est renforcé par trois murajjihat, il y a trois choses qui nous prouvent que cet avis-là est plus juste. Le premier, comme on a pu le voir, le prophète, il nous a ordonné de suivre les imams. Et il dit le deuxième, Nabi sallam, yani anahu ja'ala na'am qu'uduhu khalfahu min ta'ati al-a'imma. Yani le fait de s'asseoir derrière les imams, ça fait partie de l'obéissance du prophète sallam. Comme cela est venu dans un hadith dans lequel il est dit fa inna min ta'ati Allah an tuti'uni. Il fait partie de l'obéissance d'Allah que vous m'obéissez et vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna min ta'ati أن تطيعوا أمراءكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. Il fait partie de mon obéissance que vous obéissez à vos chefs. Et ça rentre dedans, comme il dit Ibn Rajab, yani a'imma, yani ceux qui président la salah. Si il prie assis, priez-vous kadalika assis. Donc ça c'est le deuxième point qui fortifie cet argument. Et le troisième point, il dit جعل القيام خلف الجالس من جنس الفارس. En gros, le fait de rester debout devant une personne qui est assise, ça fait partie du tashabbu des Perses. Les Perses et les gens de Rome, les Romains, à leur époque, ils avaient un peu de kibr. Yani celui qui est assis, leur souverain, lorsqu'ils étaient assis, eux, par respect et par vénération de leur roi, ils restaient debout. Ils restaient debout. Il dit en gros, un Nabi Sassam, il a voulu contredire cette conduite des Perses et des Romains, c'est-à-dire, yani, tous, Inch'Allah, on est sur le même piédestal. C'est-à-dire, si l'imam est assis, toi aussi tu fais comme lui, tu fais assis, yani, tu restes assis. Reste à éclaircir un point ou un hadith qu'ils ont pris pour appuyer leur argument, c'est-à-dire qu'il est venu de Aïcha, radiallahu ta'ala, fi sahihain, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi marad mawtihi, salla linnasi jalisan, wa nnas qiyaman. عن عائشة رضي الله عنها قال أما أبو بكر الناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يؤم الناس فأجلس عن جنبه فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. Donc ce hadith authentique rapporté par Bukhari wa Muslim selon عائشة رضي الله عنها ولعن الرافضة, ce qui insulte et maudit عائشة. Il nous dit, Abu Bakr, yani, il a présidé la prière lorsque le prophète sallam il était malade. Après cela, le prophète sallam il a retrouvé une petite forme et il est sorti. Et Abu Bakr, à ce moment-là, il est en train de présider la prière des musulmans. Il a demandé à Ali et Al-Abbas qui soient assis aux côtés d'Abu Bakr. Puis, Nabi sallam, c'est lui qui a pris les commandes de la prière, c'est-à-dire c'est lui qui l'a présidé et il a présidé assis. Abu Bakr, il a servi d'intermédiaire entre les musulmans et Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens ils puissent suivre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et Abu Bakr était debout et les gens suivaient Abu Bakr qui lui suivait Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. C'est-à-dire l'imam c'était Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Shahid, la preuve l'argument qui était pris dans ce hadith, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a prié assis et Abu Bakr il a prié debout. Ils nous disent là, en gros là, on a un argument qui est fort, qui nous prouve et qui fortifie notre position. C'est-à-dire que si l'imam est pris assis, tu ne peux pas prier toi derrière lui assis si jamais tu as la capacité de rester debout. Ils ont répondu à ce problème, comme c'est le cas de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il nous dit, il n'y a aucune contradiction dans cela. Et avec le hadith, il y a « Inna ma ju'ala l'imam yutamma bi fa'idha » Et les imams, ils ont été placés pour que vous les suivez. S'ils prient assis, donc priez-vous aussi, kadalika assis. Il n'y a aucune contradiction entre ce hadith-là et le hadith dans lequel Nabi sallam il a prié assis, Abu Bakr, il est debout, et les musulmans, kadalika, ba'dahu, ils ont prié debout. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, nous dit la cohérence qu'il y a entre ces deux textes, comment expliquer, comment comprendre ces deux textes. Il nous dit, il y en a celui, la personne, lorsqu'elle est présidée, elle a commencé la prière avec un imam, parce que c'est qui a commencé la prière avant tout, c'était Abu Bakr. Ensuite, le prophète, dès qu'il est venu, la présidence, elle a basculé vers Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'au début, les musulmans, ceux qui étaient derrière Abu Bakr, ils ont été présidés par Abu Bakr. Et Abu Bakr, il était debout. C'est-à-dire qu'ils ont prié comme Abu Bakr debout. Il nous dit, l'imam Ahmed, dans ce cas de figure, si jamais tu as prié ou tu as commencé la prière avec un imam qui était debout, tu pries debout. Même si après cela, la présidence de la prière elle passe à une autre personne, tu restes debout parce que tu as commencé ta prière, tu es rentré en état d'ihram debout. Donc tu restes debout. C'est ça, yani, at-tawfiq baynahum. Amma si jamais tu as commencé la prière avec un imam qui était assis, tu restes assis. Et certains d'eux, ils ont dit, en gros, on peut comprendre que le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et que Abu Bakr s'est tenu debout, on peut comprendre que l'ordre qui est évoqué dans le hadith, qui est mentionné dans le hadith, innama ju'ala al-imam yutamma bi fa idha salla qa'idan Fassallu qu'oudan ajma'in, nous disent en vérité là, cette ordre-là n'est pas une obligation qui est imposée, mais plutôt yani, une chose qui est préférable. Et ils disent, yani, qu'est-ce qui nous prouve cela? Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou que Abu Bakr, il a prié debout, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière assis, sous l'approbation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait qu'il a approuvé cela nous prouve que l'ordre en vérité n'est pas une obligation imposée, mais que c'est préférable. Que c'est préférable. Wallahu a'lam, ça c'est l'avis de certains ulama ou de certains hanabila. Et de Kadalika, il a penché vers cet avis-là, Cheikhona Mohamed ibn Hizam. Mais l'avis qui paraît bien, selon moi, Wallahu a'lam, c'est l'avis de l'imam Ahmed. C'est-à-dire que si jamais toi tu commences la prière en état d'ihram, présidé par un imam qui prie debout, tu finis ta prière debout. Même si la prière ou la présidence de la salat a basculé vers un imam qui a prié assis, tu continues ta prière debout, comme c'est le cas de la qadiyya qui s'est passée avec Abu Bakr et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Azid ou naktafi bidalika? Je continue ou bien on se contente de cela? Histoire que vous pouvez aller prier la prière, inshallah. Al-Aisha, en commun. Inch'Allah, on va s'arrêter là, inshallah. En plus, là, c'est des mas'alas, il y a beaucoup de khilaf. Donc ça va vous demander de réviser, inshallah. Ose as'alukum faqratan faqra. Je vais vous poser des questions, inshallah, sur chacun des paragraphes. Et cela afin que vos connaissances se fortifient, inshallah. Inshallah, faizam yaktafi bidalika, idha kana ma indakum shay za'id ala zalik. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على الحضور وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم